Metal Express avec Eric. Eh bien, amateurs de hard rock, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver donc comme chaque lundi à la même heure, de 19h à 21h. Je vous rappelle donc que vous nous écoutez sur Radio Heavy Metal et je vous en remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux donc à nous écouter. Radio Heavy Metal, donc son site officiel, c'est le https://radioheavymetal.site. N'oubliez pas qu'il y a les applications pour nous écouter sur votre smartphone ou bien tablette tactile sur le Google Play ou bien Apple Store. Vous pouvez également télécharger l'application sur radio.fr et vous tapez Radio Heavy Metal. N'oubliez pas également que nous avons nos réseaux sociaux, il y a Facebook, Twitter et Instagram. Un grand merci également à nos partenariats radio qui diffusent le Metal Express. Il y a Indé Spirits, Canal Fuzz Radio, Radio WHM52 et puis il y a une petite nouveauté, une radio donc qui s'appelle Radio Love Stars qui diffuse également maintenant le Metal Express et je leur en remercie de leur part. J'aimerais également remercier nos partenariats musique. Il y a Inverse Records, Duet Agency, Kebras Records, Heavy Promotion, Kebar Promotion et Inferno Records. On va commencer donc ce Metal Express avec un groupe de heavy metal allemand. Il s'appelle Loner Shadow. C'est extrait donc de leur deuxième album qu'ils ont sorti au mois de janvier. Cet album s'intitule Smokeless Fire et ce morceau donc qu'on va écouter s'appelle Catch Fire. Allez, bonne écoute, on est ensemble donc jusqu'à 21h. Thank you. À l'instant, donc, dans le Metal Express, c'était les Allemands, donc, de Loneness Shadow, avec le morceau Catch Fire. Voici maintenant Narnia, avec extrait, donc, de leur nouveau single, avec leur nouvel album qui va sortir le 2 août. L'album s'appellera From Darkness to Light, et ce morceau, donc, est intitulé A Crack in the Sky. C'est extrait, donc, de leur nouveau single. Bonne écoute! We'll be right back. Voilà, donc c'était Narnia avec le morceau I Crack in the Sky. C'est extrait donc de leur nouveau single. Leur album donc va sortir le 2 août. Donc c'est très bientôt. Voici maintenant Avantasia. Ce morceau s'intitule The Raven Child. Bonne écoute dans le Metal Express. Wild grove, sacred grounds, fade to vastness. Mother Moon, cast your spell on these fields. Let the boughs paint ghostly shades on the trail to a different world, where the castle looks out to the valley, where I'm given all the love that I crave. Not afraid of the rising sun, laying bare my brittle soul. Cold is the wind, bringing forth clarity. Time rushing on, and nothing will remain. There's no glory on the lost journey. Same it used to be when you're crying. in the crowns of the willows, green fields as if the day was on the wane, grow faint and attain to perfection. What a backdrop for a diamond. So we swim in the wind like the willow, meant to give way to the odor of the storm. Stream of destiny. Time flows to become a man of nothing. For a broken soldier of fortune. Donc avec son groupe Avantasia, extrait de l'album Moonlow, sorti le 15 février. Ce morceau qu'on a écouté s'appelle The Raven Child. Il est sorti donc chez Nuclear Blast. Voici maintenant Flesh God Apocalypse. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Fury. Bonne écoute. Voilà, le groupe s'appelle Flesh God Apocalypse. Ils sont italiens et c'est un death metal. Ils sont formés en 2007. Le groupe incorpore de l'élément de musique classique et symphonique. L'album donc s'appelle Velino. Il est sorti le 24 mai chez Nuclear Blast. Allez, si maintenant Pacifist, et ce morceau s'appelle Reactionary. S'appelle le Pacifiste et le morceau qu'on a écouté, Reactionary. Allez, voici maintenant Manowar et ça s'appelle le Blood and Steel. Bloods upon my soul. le groupe légendaire de heavy metal Manowar, donc cet extrait d'une trilogie EP nommée The Final Battle, inspirée de la tournée d'adieu du groupe, le premier volet donc est paru le 30 mai. Voici maintenant Antasia, je vais y arriver, avec Turn of the Wheel. Bonne écoute dans le Metal Express. C'est Eric avec vous donc jusqu'à 21h et ce soir on va s'en mettre 2 heures dans les oreilles, rien que de la nouveauté. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. We'll be right back. donc ça s'appelle Spirits of Fire, avec un chanteur qui n'est pas inconnu puisqu'il s'appelle Tim Reaper Owens. Il a fait partie donc de Judas Priest en 96 après deux albums studio et de live, donc il a été obligé de quitter le groupe. Voici maintenant Nitrate et ce morceau s'intitule Nighttime City. Bonne écoute dans le Metal Express. But he Voilà, oui, si je n'ouvre pas le micro, ça ne va pas le faire. Donc, le groupe s'appelle Nitrate. Ce morceau s'intitule Nighttime City. C'est extrait donc de l'album Open Wide qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est un très bon mélange de rock FM. Voici maintenant Death Note Silence. Ce morceau s'intitule Living the Passion. Donc, c'est un morceau donc, qui m'a été demandé par Nick de Annecy. Voici Death Note Silence. Le groupe s'appelle le Death Note Silence avec le morceau Living the Passion. Donc, ça m'a été demandé par Nick de Annecy. Ils sont donc du Québec. Death Note Silence avec le morceau Living the Passion. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du très bon metalcore, deathcore. Ils ont une page Facebook, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit œil. Voici maintenant Death Angels, cet extrait de leur nouvel album, et le morceau qu'on va écouter s'appelle Aggressor. Bonne écoute dans le Metal Express. thrash metal américain de San Francisco Angel, Death Angel, avec son 9e album donc intitulé Humanicide. Il est sorti donc le 31 mai et le morceau qu'on a écouté s'appelle Aggressor. Allez, maintenant je vous propose Hidden Lapse et ce morceau s'intitule Stone Mask. Bonne écoute dans le Metal Express. We'll be right back. Et bien voilà, le groupe s'appelle Hidden Lapse avec le morceau Stone Mask. Et donc c'est extrait de leur nouvel album intitulé Dead Jester. Il est sorti le 31 mai. Ils ont une page Facebook, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, comme je vous dis toujours. Voici maintenant un groupe qui s'appelle Dementia Mortis et ce morceau s'intitule No Escape. Bonne écoute. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, voici maintenant Eamon Amos avec un morceau qui s'appelle Crack the Sky. C'est extrait donc de leur nouvel album qui s'intitule Berserker. Voici Eamon Amos. We'll be right back. groupe suédois donc Amon Amarth avec le morceau Crack the Sky. Allez, maintenant voici Rammstein, leur nouvel album intitulé Deutschland donc, et je vous propose le morceau Sex. Bonne écoute. Je vous rappelle que vous êtes dans le Metal Express. C'est Eric avec vous donc jusqu'à 21h. De Rammstein et ce morceau s'appelle Sex. L'album s'appelle The Deutschland et ce morceau donc je vais le dédicacer en même temps à mon ami Pierrot de Fécamp. Voici maintenant un groupe qui s'appelle Pathetic. Le morceau s'appelle Rat King. C'est un mélange de death, black, heavy metal. Ils ont une page Facebook et vous pouvez également les écouter sur Bandcamp. Voici Pathetic avec le morceau Rat King. Bonne écoute. Yeah. groupe s'appelle le Pathétique avec le morceau Rat King. Je vous propose maintenant un groupe qui s'appelle Infrared avec le morceau Rat Child. C'est un groupe canadien, donc ils nous jouent du très bon thrash metal. Ils ont une page Facebook et vous pouvez y trouver leur EP donc sur Spotify. Ça s'appelle Back to the Warrior House. Si vous voulez donc ce EP, n'hésitez pas à aller sur leur page Facebook. Tout est écrit, il n'y a pas de souci. Voici Infrared avec le morceau Rat Child. My mother was a queen, my dad I never seen. I was never meant to be. Now I spend my time looking over for a man that's nowhere to be found. Till I find him, never gonna stop searching. Gonna find my man, gonna travel there. Avec le morceau Rat Child, comme vous avez pu l'entendre évidemment. C'est une reprise donc de Iron Maiden. Voici maintenant Sanctuary of Decay et ce morceau s'intitule Winds of Death. Bonne écoute. We'll be right back. que le groupe s'appelle Century of the K. Il nous joue un progressive atmosphérique death metal. Ils sont de Toronto à Ontario dans le Canada, donc ils ont une page Facebook. N'hésitez pas donc à aller jeter un œil. Voici maintenant Cavara. Ce morceau s'intitule Tormenteur. Bonne écoute dans le Metal Express. C'est Eric avec vous jusqu'à 21h. We'll be right back. Le groupe donc s'appelle Cabara avec le morceau Tormentor, le EP s'appelle Overthrown, vous pouvez trouver ça donc sur iTunes, vous avez également leur page Facebook, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Ce groupe donc s'appelle Cabara. Voici Overkill, ça s'appelle Welcome to the Garden State, bonne écoute dans le Metal Express. Frankly, you got a problem with authority. All due respect, you got no fucking idea what it's like to be number one. Tonight. He's climbing up the tower to top in the league. Le groupe américain, donc Overkill, qui a été formé en 1980, donc ça date. Et donc, cet extrait de leur nouvel album, le nouvel album intitulé Winds, The Winds of War, qui est sorti donc le 22 février chez Nuclear Blast. Vraiment, c'est excellent, Overkill. Ils en sont d'ailleurs à leur 22e album, si je ne me trompe. Voici maintenant Halls of Oblivion avec le morceau Walking Dead. Je vais y arriver ce soir, c'est la fin, c'est peut-être pour ça. Voici Halls of Oblivion avec Walking Dead tout de suite dans le Metal Express. Thank you. Voilà, ça s'appelle Halls of Oblivion et le morceau qu'on a écouté s'appelle Walking Dead. On va s'écouter maintenant Whitesnake, le nouveau Whitesnake. Alors quand on parle de Whitesnake, on pense tout de suite à sa période 80 où le groupe passait en boucle donc sur MTV avec ses albums à succès, notamment le 1987 Slip of the Tongue, notamment. Qui gorge de tubes légendaires dans le monde du rock'n'roll. C'est à partir de cette époque que le Serpent Blanc est devenu plus hard FM, tout en gardant une richesse musicale force grâce à son leader qui n'a jamais flanchi en termes de composition. Après plus de 40 ans de carrière, Whitesnake nous pond son 13e album studio qui s'intitule Flesh and Blood. Et la fraîcheur offerte par le groupe dès ses premiers instants d'écoute à quoi surprendre. La production est très bonne, chaque instrument est sur sa place de sonne même très bien. Le chant de David Coverdale est toujours aussi caractéristique et puissant sur la galette, bien que soit moins le cas en concert malheureusement, mais le monsieur est tout de même à 67 ans, une carrière pareil force le respect. Voici donc Whitesnake, le nouveau Whitesnake, en plus ça s'appelle Blood and Blood, le titre de l'album. We'll be right back. Voilà, donc c'est tout pour ce soir. On se retrouve, la semaine prochaine. Lundi prochain, même heure, même endroit, 19h-21h. N'oubliez pas qu'il y a la page Facebook de Radio Heavy Metal. Si vous avez envie de me laisser un petit message, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'écouter un titre, vous me donnez le nom du groupe, bien sûr, avec le titre de l'album pour que je puisse le trouver. Et je vous passerai ça donc la semaine prochaine. Donc, vous me laissez un petit message sur la page Facebook Radio Heavy Metal ou bien sur la page Metal Express. Je vous rappelle qu'il y a le site officiel de Radio Heavy Metal, c'est le https://radioheavymetal.site. Vous pouvez y laisser un petit commentaire en cliquant sur le livre d'or. Il y a les applications pour nous écouter, rien de plus simple, vous tapez donc Radio Heavy Metal. N'oubliez pas qu'il y a également les réseaux sociaux, il y a Facebook, Twitter et Instagram. Un grand merci donc à nos partenariats radio qui diffusent également le Metal Express. Il y a Indie Spirits, Canal Fuzz Radio, Radio WHM52. Et puis il y a, comme je vous l'ai dit en début d'émission, une nouvelle radio qui s'appelle Radio Love Stars, qui nous diffuse donc le dimanche de 22h à minuit. Indie Spirits, donc ce sera mercredi de 18h à 20h. Canal Fuzz Radio, c'est demain mardi de 19h à 21h. Et puis Radio WHM 52, donc c'est vendredi de 20h à 22h. Ben voilà, moi j'ai tout dit, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à lundi prochain. Allez, ciao!